Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marvelicious, épisode consacré aujourd'hui. Alors c'est un truc incroyable, c'est un défi qu'on m'a lancé. Merci Cédric, il se reconnaîtra. Et puis d'autres d'ailleurs. On m'a demandé de résumer les phases 1 à 5 pour vous préparer à la phase 6. Voilà. Parce qu'apparemment ça part dans tous les sens, certains ne suivent pas trop le MCU, tout, les séries, les films, les dessins animés, etc. Donc, que vous ayez tout suivi ou que vous ayez besoin d'un rafraîchissement, ou que vous ayez un peu lâché le MCU en cours de route, eh bien cet épisode est fait pour vous. Car comprendre d'où l'on vient est essentiel pour apprécier pleinement la suite. Oh c'est beau, ouais, ça m'est venu comme ça. Voilà. Je souhaite effectivement vous résumer les phases 1 à 5, mais pas que ça, puisqu'en fait l'idée c'est de vous préparer à la phase 6, puisque à l'heure où je vous parle, les 4 Fantastiques sont sortis, le film, et bien il me paraît important de vous préparer à cela. Accrochez-vous, car nous allons partir ensemble, parler de chaque étape cruciale, chaque révélation fracassante, chaque moment qui a sculpté la légende du MCU entre la phase 1 et la phase 5. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marvelicious. L'aventure commence maintenant. Waouh, pas évident, mais laissez-moi vous annoncer qu'aujourd'hui est un épisode chill, relax, que vous pouvez écouter tranquillement dans votre voiture ou devant votre lit, parce que j'ai appris que certains m'écoutaient pour s'endormir. D'ailleurs, c'est très gentil. Voilà. Je vous propose, c'est de naviguer à travers les différentes phases du MCU en suivant l'ordre chronologique des sorties des films pour mieux comprendre comment cette immense toile qu'est le MCU, c'est tissé. Alors commençons tout d'abord par les phases 1 à 3, donc les phases 1 à 3 qui sont ce qu'on appelle la saga des pierres de l'infinité, ou pour certains ça s'appelle aussi la saga de l'infini, bon peu importe. Eh bien cette première grande saga est centrée sur la quête des 6 pierres de l'infinité et de l'ultime confrontation avec le redoutable méchant qui est Thanos. Phase 1, entre 2008 et 2012, tout a démarré avec plusieurs paris assez audacieux de la part du MCU, en commençant à introduire les piliers, qu'on pourrait appeler comme ça, les piliers, les super-héros piliers, voilà, Iron Man, Hulk, les principaux, Thor, Captain America, Natasha Romanoff, tout ça. Et bien en introduisant les piliers c'est les fondations, les bases qui vont permettre d'introduire justement cette saga des pierres de l'infinité. Alors, tout a commencé par Iron Man en 2008, donc c'est bien le film qui a tout lancé. Dans ce film, on y découvre Tony Stark, donc c'est un fameux ingénieur milliardaire excentrique, assez arrogant d'ailleurs, qui est patron de la Stark Industries, qui d'ailleurs, on voit dès le départ, qui est spécialisé dans l'armement. Et alors qu'il supervise une démonstration de ses missiles en Afghanistan, il se retrouve capturé par des terroristes, il est gravement blessé, et pour s'échapper, il construit une armure assez rudimentaire. Voilà, si vous vous souvenez, il arrive à s'échapper, puis il rentre aux États-Unis, et il adopte et il incarne Iron Man. Donc ce film pose les bases du MCU, et se termine par un moment clé, donc celui où Tony Stark va révéler au monde entier qu'il est Iron Man, et la fameuse scène post-générique où justement Nick évoque ce qu'il appelle l'initiative Avengers. Voilà, je crois que c'est un dossier à mon souvenir qu'il présente, avec en gros écrit Avengers. Voilà. et on ne sait pas encore ce que c'est, à part les lecteurs des comics, mais si vous êtes fan du MCU et que vous n'êtes pas lecteur de comics, vous vous dites, mais c'est quoi ça? C'est les Avengers, c'est bien, c'est le groupe de super-héros. Voilà. Deuxième film de la même année, qui est l'incroyable Hulk. Donc Hulk, lui, est incarné, alors ce n'est pas par l'acteur que vous connaissez aujourd'hui, mais c'était par Edward, je ne sais plus comment il s'appelle. J'allais dire Edward Norton. Et oui, je viens de vérifier, c'est bien. Edward Norton, j'étais pas sûr sur le coup. Voilà. Mais c'est bien lui qui va incarner Hulk. Donc il essaye dans... C'est un épisode sur Hulk, hein, donc il est soumis à des rayons gamma qui le transforment en Hulk. Il est traqué par l'armée, qui est menée par le général Ross, et... Bruce Banner, lui, cherche désespérément un remède. D'ailleurs, on voit toute la phase, hein, toutes les phases. Il n'arrive pas à assumer son rôle de Hulk. Il cherche toujours un remède. Dans ce film, on a un peu plus. Ce film va ancrer entre guillemets un peu plus le concept de super pouvoir dans cet univers naissant qu'est le MCU. Et on a une apparition de Tony Stark qui va lier justement Hulk à Iron Man. Iron Man 2 en 2010, qui lui, donc, après avoir révélé son identité, Tony Stark doit gérer les conséquences de sa célébrité et de son alter ego, hein, aussi des conséquences du fait que ce soit un super-héros. Et il fait face à un nouvel ennemi qui s'appelle Ivan Vanko, un scientifique russe dont le père a été lésé par les Stark, qui cherche vengeance d'ailleurs à l'égard de la famille Stark avec sa propre technologie. Et ce film est l'occasion d'introduire deux personnages principaux, donc Natasha Romanoff, donc Black Widow, voilà, qui est une espionne du SHIELD, et James Rhodes, son meilleur ami, qui devient War Machine, et pour rappel, il est prévu une série sur War Machine. Ensuite est intervenu Thor, en 2011, donc là on va quitter notre terre natale pour les royaumes célestes d'Asgard. On y rencontre donc Thor, le dieu du tonnerre, un guerrier puissant, assez arrogant, qui est banni par son père Odin sur Terre pour avoir déclenché une guerre avec les géants de glace. Il est privé de son marteau, le Mjolnir, et il doit apprendre ce qu'est l'humilité, en côtoyant notamment sa fiancée, sa future fiancée, qui est Jane Foster. Et pendant ce temps, sur Asgard, son frère adoptif, Loki, qui est jaloux et manipulateur, va tenter de s'emparer du trône de Odin. Et c'est l'introduction de la mythologie nordique et du concept des neuf royaumes. On y voit apparaître pour la première fois le Tesseract, ce fameux cube cosmique qui contient la pierre de l'espace et qui attise toutes les convoitises. Autre film, toujours en 2011, Captain America First Avengers. Alors, c'est mon film préféré de la phase 1. Je me demande même si c'est pas mon film préféré de tous. On fait un retour à la Seconde Guerre mondiale avec l'histoire de Steve Rogers et de ses origines. Grâce à l'expérience du super soldat, eh bien, Steve Rogers devient le puissant Captain America. On voit apparaître pour la première fois l'organisation nazie scientifique Hydra, qui est dirigée par Crâne Rouge. Et Crâne Rouge cherche à exploiter le pouvoir du fameux cube cosmique qu'est le Tesseract. Et entre-temps, le film va explorer l'amitié qu'a Steve Rogers avec son ami indéfectible d'ailleurs, Bucky Barnes, qui va devenir, pour ceux qui le savent, le soldat de l'hiver. Et ce film se termine avec Steve Rogers qui, après avoir déjoué les plans du Crâne Rouge, est plongé dans le coma pour se réveiller plusieurs décennies plus tard dans un monde qu'il ne reconnaît plus, un monde beaucoup plus moderne, un monde qui est le nôtre dans les années 2010-2015. Est apparu ensuite le premier film Avengers. Donc là, c'est le grand rassemblement qui nous réunit nos amis Iron Man, Thor, Captain America, Natasha Romanoff, James Rhodes, Hawkeye. Bref, c'est le grand rassemblement sous l'égide de Nick Fury et du SHIELD. Les héros sont réunis face à une menace existentielle et cosmique. Loki, le frère adoptif de Thor, revient sur Terre, armé du pierre de l'esprit, qui est, si vous vous souvenez, cette pierre de l'esprit est dans un sceptre. Voilà, et pour ceux d'ailleurs qui vont à Disneyland Paris, on voit Loki avec son sceptre dedans, c'est le pierre de l'esprit, la pierre de l'esprit. Et il s'allie avec l'armée extraterrestre des Chitauri pour envahir New York via un portail ouvert par le Tesseract. Eh bien, nos Avengers vont devoir apprendre à travailler ensemble, malgré leurs différences, pour sauver la ville et potentiellement le monde. Et c'est le moment où le MCU prend son envol, prouvant qu'un univers partagé était possible. Et en post-crédit, on aperçoit pour la première fois, pour ceux qui s'en souviennent, l'ombre de Thanos, et on apprend que c'est le commanditaire de Loki, et ça marque réellement le début de la saga des pierres de l'infinité. Ce film des Avengers a fait l'objet d'un succès retentissant. Le MCU s'est ensuite développé, il a exploré de nouvelles facettes, il a aussi introduit de nouveaux personnages et introduit aussi des éléments cosmiques et a approfondi aussi les menaces qui venaient de l'espace. Film suivant, Iron Man 3 en 2013. Plus de 10 ans, les amis. J'enregistre et on est en 2025, donc il y a plus de 10 ans. Film pas terrible, moi j'ai pas forcément bien aimé, mais bon, pour vous rappeler tout cela, Tony Stark il est profondément traumatisé par les événements qui ont lieu à New York, d'ailleurs. Pendant tout le long de la saga des Pierres de l'Infinité, on voit bien que Tony Stark est effondré. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'il souffre d'attaques de panique, à mon souvenir, dans ce film-là. Et alors que son monde s'effondre, il doit faire face à une nouvelle menace terroriste, qui est le Mandarin, qui est pour lui un ennemi assez mystérieux, voilà, qui s'attaque à la fois à lui et à ses proches. Donc là, on a vraiment un film qui est centré sur Tony Stark, qui le pousse à se retrancher sur son ingéniosité, sur son intellect, plutôt que sur sa seule armure. On a vraiment là un film plus sur l'humain que sur, on va dire, l'univers du MCU en général. 2013, toujours, même année, le monde des ténèbres de Thor, donc Thor, le monde des ténèbres. Là, Thor retourne sur Asgard, doit faire face à une ancienne menace réveillée qui sont les elfes noirs. Voilà. C'est là où la première fois on voit l'une des pierres de l'infinité qui est la pierre de la réalité. Et pour vaincre le méchant, Thor est contraint de s'allier avec son frère dans une relation assez complexe hein, qui est mêlée de méfiance. Mais à la fois on voit une certaine fraternité entre les deux. Mais en tout cas, c'est important, c'est que c'est la première fois qu'on voit apparaître la pierre de la réalité. Le film suivant est Captain America, le soldat de l'hiver, donc film sorti en 2014. Donc j'ai bien aimé ce film parce que j'ai trouvé vraiment... j'aime bien les films d'espionnage, de manière générale, mais j'ai beaucoup aimé ce film, pour moi, qui était justement un thriller d'espionnage assez intense, où Captain America a pleinement intégré le SHIELD, et il découvre qu'il existe une conspiration majeure qui gangrène l'organisation de l'intérieur. Et on constate qu'en fait, pendant toutes ces années, Hydra a pu survivre et qu'il a infiltré le SHIELD à tous les niveaux. Et il va faire équipe avec Black Widow, Sam Wilson, Faucon, première fois qu'on le voit à ce moment-là, en tant que Faucon, pour démanteler cette menace. Et au cours de son enquête, entre guillemets, au cours du film, il va rencontrer un mystérieux, redoutable assassin qui est le soldat de l'hiver. Et il découvre que c'est son meilleur ami, Bucky Barnes, qui a été conditionné par Hydra. Là, ici, on a un tournant majeur pour le SHIELD et le statut de Captain America, étant précisé que ce film se complète avec, je ne sais plus quelle saison, si c'est la saison 1 ou 2, des Agents of SHIELD, que vous pouvez voir sur Disney+. Je l'ai vu il y a longtemps, mais je vous avouerai qu'après la saison 3, j'ai arrêté de regarder. Mais je ne sais plus, il y a une des saisons qui a un lien direct avec ce film. Les Gardiens de la Galaxie, le premier, 2014, changement de ton radical, explosion de couleurs, on se retrouve réellement pour la première fois dans l'espace, on visite l'espace. on suit les aventures de Peter Quill, donc Star-Lord, un humain qui a été élevé parmi les extraterrestres, hein, qui se retrouve en possession d'un mystérieux orbe. Toujours en tête cette première scène, pour ceux qui s'en rappellent, avec cette fameuse musique. Je ne peux pas la diffuser sur YouTube, mais si je pouvais, je le ferais. Et il est contraint de faire équipe avec une bande de marginaux qui sont aussi charismatiques que lui, mais chacun avec sa personnalité. Gamora, qui est la fille adoptive de Thanos. Drax, le destructeur. Le fameux raton laveur génétiquement modifié Rocket Raccoon. Et Groot, le compagnon arboreux de Rocket Raccoon. Et ensemble, ils découvrent que cet orbe contient la pierre du pouvoir, une des pierres d'infinité, et doivent absolument l'empêcher de tomber entre les mains de Ronan, l'accusateur qui travaillait pour le méchant Thanos. Alors ce film, moi j'ai un souvenir, pour ceux qui s'en souviennent, mémorable. J'en suis même nostalgique rien que vous en parler. Il a eu un succès inattendu et a montré à quel point le MCU savait gérer l'étendue cosmique de l'univers Marvel. Ensuite, deuxième film des Avengers, Avengers l'ère d'Ultron, en 2015. Les Avengers, en tentant de créer une intelligence artificielle pour protéger la Terre, vont créer involontairement un être qui s'appelle Ultron. Voilà. Et Ultron va utiliser la pierre de l'esprit, donc celle qui était contenue dans le sceptre de Loki, pour se forger un corps parfait. Cette pierre de l'esprit va finalement être revendiquée par les Avengers qui ont créé Vision. Et ce film va introduire également les jumeaux Maximoff, Wanda, donc Scarlet Witch, et Pietro, Quicksilver, qui rejoignent les héros. Rappelez-vous, on a quelques flashbacks dans ce film où on voit les origines de Wanda et de Pietro. On sent dans ce film qu'il commence à avoir des tensions, notamment entre Captain America et Iron Man, qui commence à se faire sentir sur... Et on a quand même les bases d'un futur conflit entre nos super-héros, tandis que Thanos, voyant les héros s'agiter, décide qu'il est temps d'agir par lui-même pour collecter les pierres de l'infini. Et c'est dans ce film-là où le frère de Wanda, donc Scarlet Witch, meurt lorsque, en fait, ils combattent tous Ultron. Dernier film de la phase 2, Ant-Man, en 2015. Là, on a un film un peu plus léger, qui est axé sur le cambriolage, de l'action à petite échelle. Honnêtement, ce film, je les trouve tordant. On va dire que Scott Lang, qui est un cambrioleur, hein, qui est recruté par le scientifique Hank Pym pour enfiler le costume d'Ant-Man, est entouré de personnages hilarants. Voilà. Ce film-là, en 2015, j'en suis encore aussi nostalgique, moins que Les Gardiens de la Galaxie, mais j'en suis nostalgique parce qu'en fait, ce film a un petit côté léger dans le MCU qui fait plaisir. Et c'est là où Scott Lang apprend à maîtriser la capacité de rétrécir et de grandir à sa volonté grâce à la technologie de Hank Pym. Donc il doit empêcher le protégé de Pym, Darren Cross, de vendre une version militarisée de sa technologie. Donc c'est ce fameux costume, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Yellow Jacket. Donc, et ce film explore, et c'est la toute nouveauté de ce film-là, il explore pour la première fois le fascinant et mystérieux royaume quantique. Donc c'est une dimension, voilà, avec des propriétés uniques. Et ce royaume quantique va s'avérer crucial pour l'avenir de nos super-héros et l'avenir du MCU. La phase 3, c'est l'escalade vers l'affrontement qui devient inévitable entre nos super-héros et Thanos, mais c'est aussi l'introduction de héros majeurs qui deviendront cruciaux pour l'avenir, tout en explorant les fissures au sein des Avengers. Puis comme je vous expliquais tout à l'heure, le film qui était Avengers l'ère d'Ultron a commencé à faire comprendre aux fans et à nous-mêmes du coup qu'il commence à avoir des tensions au sein de l'équipe des Avengers. Premier film de la phase 3, c'est Captain America Civil War en 2016. Alors ce film-là est vu comme une sorte d'Avenger bis, voilà. Donc là, on a les Avengers qui se déchirent après un incident catastrophique en Sokovie, donc cet incident dans le cadre de l'ère d'Ultron. Les gouvernements du monde entier vont décider d'imposer ce qu'on appelle les accords de Sokovie. C'est une règle, en fait, un accord qui vise à réguler et contrôler les activités de super-héros. Voilà, c'est l'idée. Donc connaître leur identité, contrôler leurs activités, mais aussi à leur donner des responsabilités. En gros, l'idée, c'est qu'ils peuvent intervenir uniquement si les gouvernements le demandent. Sinon, ils n'ont pas le droit. C'est l'idée. Voilà. Et cette mesure-là, cet accord-là de Sokovie va fracturer l'équipe. On va avoir deux camps, donc le camp d'Iron Man, qui lui va soutenir les accords de Sokovie, puisque pour lui, voilà, les super-héros doivent révéler leur identité. Il y a une certaine volonté de hiérarchiser aussi cela. Et Captain America, qui lui va prôner plutôt la liberté d'action des héros. Deux salles, deux ambiances. Donc vous aviez la team Captain America et la team Iron Man, je me souviens à l'époque. Et en fait, le conflit en plus est exacerbé par le retour du soldat de l'hiver et un mystérieux personnage, super vilain, le baron Zemo, voilà, qui lui va manipuler les événements en coulisses. Voilà. Soyez en passant, j'adore ce personnage du baron Zemo, on en parlera tout à l'heure. Ce film, c'est aussi l'occasion de lancer la carrière de Black Panther, de T'Challa, et de réintroduire de manière spectaculaire, souvenez-vous, Spider-Man dans le MCU, qui a été recruté par Tony Stark. Souvenez-vous de cette scène où Spider-Man va récupérer le bouclier directement d'entre les mains de Captain America. Voilà, j'en garde un bon souvenir de ce passage. 2016, Doctor Strange. L'arrivée du neurochirurgien brillant, Stephen Strange, qui perd l'usage de ses mains dans un terrible accident. Désespéré, il part à la recherche d'une guérison et là, il va découvrir les arts mystiques à Camartage. Là, il va apprendre à manipuler l'énergie, à voyager dans les dimensions, à déformer la réalité et il devient... Alors, je ne peux pas dire qu'il devient le sorcier suprême parce que ce n'est pas lui qui le devient. Mais en tout cas, il est chargé de protéger le monde des menaces mystiques, notamment, et là, il est tenu de protéger la pierre du temps. Et si vous vous souvenez, cette fameuse pierre qui est dans son collier qui est appelé l'œil d'Agamotto, voilà. Et c'est l'introduction du mysticisme pour la première fois, et aussi de l'arrivée potentielle du multivers dans le MCU. 2017, les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Je le dis avec le sourire parce qu'encore une fois, ce Gardien de la Galaxie est mémorable, comme le 1. Et ça me rend encore nostalgique de vous en parler. Les Gardiens continuent leurs aventures cosmiques. Peter Quill va découvrir l'identité de son père biologique, Ego. Et il va découvrir que c'est une entité planétaire vivante. Et là, il va avoir des relations assez complexes avec son père. Ici, ce film va explorer davantage les liens entre les membres de l'équipe, notamment la relation fraternelle qui est assez tendue entre Gamora et Nebula, parce que Nebula est aussi dans ce film. Elle n'est pas encore une gardienne de la galaxie, mais elle se retrouve dans ce film, puisqu'elle suit son père Thanos, et le passé de Rocket Raccoon. Voilà. On a quelques prémices sur le passé de Rocket Raccoon. J'ai trouvé ce film avec plus de fun, j'ai aussi trouvé ce film avec plus d'émotion. On a un développement approfondi des personnages et un personnage qui a retenu beaucoup mon attention, qui a aussi retenu l'attention de pas mal de monde, hein, et aussi surtout des enfants, c'est Baby Groot. Voilà, l'arrivée de Baby Groot dans Les Gardiens de la Galaxie, qui, Baby Groot, n'est pas le Groot du 1, puisqu'en fait le Groot du 1 est décédé, un nouveau Groot a poussé, si je peux me permettre l'expression. Et le Groot que nous connaissons aujourd'hui est ce Baby Groot devenu très grand. Voilà. Toujours en 2017, premier Spider-Man du MCU, Spider-Man Homecoming. Après son apparition remarquée dans Civil War, Peter Parker doit jongler entre sa vie de lycéen ordinaire à New York et ses responsabilités de Spider-Man sous la tutelle de son mentor, Tony Stark. Dans ce film, il est confronté au Vautour, un méchant assez opportuniste hein, qui utilise une technologie alien qu'il a récupérée après la bataille de New York. Peter, il doit prouver qu'il est capable d'être un Avenger, tout en gérant les conflits de l'adolescence. Voilà, ça reste un adolescent avec ses conflits amoureux, ses conflits aussi avec l'école, entre guillemets. on a la découverte d'un Peter Parker très jeune, avec un mentor qui est Tony Stark, et un Peter Parker qui veut aussi grandir vite, puisque son rêve, c'est de devenir un Avenger. 2017, les amis, Thor Ragnarok. Alors, ce Thor-là fait débat. Moi, je ne l'ai pas aimé du tout, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup aimé ce Thor-là. Je n'ai pas aimé ce Thor parce qu'on a eu affaire à un Thor complètement réinventé. Ça fait débat. Moi, je ne l'ai pas aimé, beaucoup aimé. On a un Thor qui est complètement réinventé avec un ton plus humoristique, mais je dois admettre, il y a quand même une esthétique dans ce film qui est beaucoup plus vibrante. Asgard est menacé par Hela, la déesse de la mort, qui est aussi la sœur aînée de Thor, qui revient pour réclamer son trône suite à la mort d'Odin. Thor se retrouve bloqué sur la lointaine planète Sakaar et il est contraint de participer à des combats de gladiateurs où il retrouve Hulk. Voilà. Et il doit s'échapper avec l'aide de Valkyrie et de son frère Loki pour empêcher Hela de détruire Asgard et d'accomplir le fameux événement qui est Ragnarok. Le film change radicalement la dynamique pour le dieu du tonnerre Thor. Il perd son marteau, il perd son œil. Voilà, donc voilà. J'ai pas forcément apprécié ce film-là. Il fait débat. Je peux comprendre que un Thor complètement réinventé, plus débridé, peut plaire. Je peux le comprendre. Mais moi, il m'a pas plu. Voilà. 2018, les amis. Black Panther. Après les événements de Civil War, T'Challa retourne au Wakanda pour prendre sa place de roi. Mais il doit défendre son trône et son peuple contre Killmonger, un cousin oublié du passé de sa famille, qui cherche à utiliser les ressources du vibranium du Wakanda pour provoquer une révolution mondiale. Alors, ce film, honnêtement, j'ai adoré. J'ai trouvé culturellement riche. Je l'ai trouvé visuellement époustouflant. Et c'est la première fois, en fait, que ce film va révéler la nation avancée du Wakanda au monde. Et j'ai bien aimé aussi le fait que ce film va explorer certains thèmes comme celui de l'héritage, celui de la justice, mais aussi celui de la responsabilité que peut avoir un gouvernant face à son peuple. Voilà, il ne faut pas oublier qu'un gouvernant, lorsqu'il gouverne son peuple, doit faire en sorte de toujours le protéger. Et c'est ce que T'Challa fait dans tout ce film, et d'ailleurs dans les futurs films. Avengers 2018, Avengers Infinity War. Donc le choc tant attendu contre Thanos est là. Le titan fou est présent et il lance son assaut pour récupérer les 6 pierres de l'infini. T, j'ai dit l'infini, c'est de l'infinité. Et parce que son but ultime, si vous vous souvenez, c'est d'anéantir de moitié toute vie dans l'univers pour restaurer un certain équilibre. Donc là, tous les héros du MCU sont là, les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther, bref, tous s'unissent dans une course contre la montre désespérée, voyageant à travers l'univers pour empêcher justement Thanos de réunir ses pierres de l'infini et anéantir la moitié de l'univers. On a des batailles assez épiques, on a des sacrifices, on a des pertes aussi dans les super-héros d'ailleurs. Toutes émouvantes, je préfère le dire, toutes émouvantes pour la plupart, qui va culminer avec le terrible snap de Thanos qui voit justement la moitié de l'univers disparaître sous nos yeux. Film très émouvant qui a eu un succès aussi phénoménal que le premier Avengers. 2018, la même année, à mon souvenir, j'ai pas la date de sortie précise, mais je me demande s'il n'est pas sorti peu de temps après. J'ai plus ce souvenir là. On a Ant-Man et la Guêpe. Donc on a un film qui est dans la continuité du premier, un peu plus léger, qui se déroule juste avant et pendant les événements d'Infinity War. Voilà. Chose soit dite, c'est en même temps que les événements d'Infinity War. Scott Lang, donc sous surveillance, on va dire, après Civil War, hein, il a un bracelet. Il est sous résidence surveillée, il est contacté par Hank Pym et Hope Van Dyne, la guêpe, la fille de Hank Pym, pour une mission critique, c'était de secourir Janet Van Dyne, donc la mère de Hope et la femme de Hank Pym, qui a disparu dans le royaume quantique. Voilà, depuis plusieurs années, plusieurs décennies d'ailleurs, je crois. Et ils doivent affronter le mystérieux Ghost et le redoutable Sonny Birch. Voilà. Là, la scène post-crédit est assez déroutante, je dirais, puisque en fait, cette scène post-crédit va montrer l'impact dévastateur du snap sur les personnages, puisqu'en fait, Scott va se retrouver piégé dans le royaume quantique. À mon souvenir, dans ce film-là, il est dans le royaume quantique et en fait, Hope et Hank Pym n'ont pas le temps de le faire revenir parce que quand Thanos a fait le snap, ils ont disparu. Voilà. 2019, Captain Marvel. Alors, j'ai bien aimé ce film. J'ai eu l'impression de retourner dans mes origines de jeunesse, on va dire. On se retrouve dans les années 90 pour découvrir les origines de Carol Danvers et j'ai ce souvenir d'avoir une magnifique bande-son. Voilà. Qui d'ailleurs reprend le thème des années 90. Donc Carol Danvers, qui est une pilote de l'Air Force amnésique, qui va se battre aux côtés de la race extraterrestre Kree. Voilà. En revenant sur Terre, elle découvre son passé. Voilà. Elle découvre ses pouvoirs. Et elle découvre aussi, surtout, que c'est l'une des héroïnes les plus puissantes de l'univers. J'ai encore cette scène dans Avengers Endgame où elle est capable de péter un vaisseau juste en le traversant. Et ce film explore pour la première fois le conflit entre les Kree et les Skrulls. Voilà. Les Skrulls sont... Oui, c'est la première fois que les Skrulls, vous savez, ce sont ces êtres métamorphes hein, qui seront centraux plus tard, on le verra, mais on y voit effectivement le conflit qui existe entre les Kree et les Skrulls. Mais on y aussi, dans ce film-là, on voit la genèse du nom Avenger. On voit Nick Fury, qui est très jeune aussi dans ce film-là et qui justement connaissait déjà Carol Danvers, à mon souvenir, c'est ça. 2019, les amis, fin de la phase 3 du MCU Avengers Endgame. Difficile de vous parler de ce film-là, j'ai encore l'émotion dans la voix, des trémolos. C'est le grand final de la saga des Pierres de l'Infini. 5 ans après le snap, on retrouve les héros survivants. Là, on a de l'humain. On a des héros survivants. On a des héros dévastés. Des héros qui sont aussi marqués par la perte de leurs proches. Et grâce à Scott Lang, ils découvrent un moyen de voyager dans le temps grâce au royaume quantique. Et là, ils s'embarquent dans une mission périlleuse. C'est récupérer les 6 pierres de l'infini à travers différentes époques pour inverser les dégâts causés par Thanos dans Avengers Infinity War. Clairement, c'est un film épique. C'est un film rempli de sacrifices. Enfin, la scène où Black Widow se sacrifie, si elle vous met pas la boule au ventre, je ne comprends pas. La scène des moments héroïques qui vous marquent, comme la bataille finale, gargantuesque, où vous avez Captain America qui vous crie Avengers Rassemblement. Cette scène où Spider-Man, de toile en toile, va essayer de ramener le gant de l'infini à Iron Man pour éviter que Thor puisse le récupérer. Bref, ce sont des moments héroïques. C'est une bataille finale magnifique. La mort d'Iron Man est emblématique. Honnêtement, ce film-là, il ne laisse pas les gens sans voix. Ou il vous laisse sans voix, soit l'un soit l'autre. Mais ce film-là marque. Fin d'Iron Man décédé. Fin de Captain America qui a pris sa retraite. Le film, on va dire, qui conclut la conclusion, c'est Spider-Man Far From Home la même année. Quelques mois après Endgame, sa sortie c'est quelques temps après, Peter Parker, toujours lycéen, va tenter de gérer son deuil après la perte de son mentor Tony Stark. Et d'ailleurs dans ce film-là, souvenez-vous, hein, on voit plusieurs images où on voit les gens, il y a des images, des affiches, on voit les gens, on voit un culte à Tony Stark. Et on voit un Peter Parker qui se rend compte qui va avoir une pression pour sa nouvelle vie de super-héros, qui va devoir passer un stade d'au-dessus. Se dire « je ne suis plus le lycéen avec un mentor », se dire qu'aujourd'hui je ne dois plus chercher à être Avengers, se dire « aujourd'hui je dois être un Avengers ». Je ne dois pas chercher des médailles pour l'être, je suis un Avengers. Voilà, il ne l'est pas encore, mais il faut, dans ce film-là, on sent bien qu'il doit se dire « je suis un héros », et cette nouvelle vie de super-héros sans Tony Stark doit se dérouler comme si j'étais un adulte. Lors d'un voyage scolaire en Europe, donc il est recruté par Nick Fury pour affronter des menaces élémentaires aux côtés de Mysterio, un nouveau héros qui semble venir d'une autre réalité. Là, le film va explorer les thèmes toujours de l'héritage. Souvenez-vous que Tony Stark avait laissé une partie de son héritage à Peter Parker, qu'il va donner à Mysterio d'une façon tellement naïve. D'ailleurs, je crois que c'est le côté qui m'a pas plu dans ce film-là. Voilà. Le film va explorer donc ce thème-là de l'héritage, toujours des responsabilités, et va se terminer sur une révélation choc sur l'identité de Spider-Man qui va être dévoilée au monde entier par Mysterio dans une attaque posthume. Voilà. Et on va avoir aussi des doutes sur l'identité de Nick Fury. Voilà les phases 1 à 3. J'ai réussi à les résumer quand même en 40 minutes, mais il reste à vous résumer les phases 4 et 5, et je pense que je vais y arriver. Après le cataclysme d'Endgame, la fin, la conclusion d'Endgame par Spider-Man Far From Home en 2019, eh bien, le MCU va entrer dans une nouvelle ère, la saga du multivers. Fini les pierres de l'infinité, aujourd'hui on va explorer les réalités alternatives, de nouveaux héros vont émerger, une nouvelle menace majeure va se profiler à l'horizon, et surtout, alors, souvenez-vous, période Covid. Et c'est là où on va voir que Disney va commencer à se dire, eh bien, vu que on est en période Covid, vu que ça va être difficile pour les gens d'accéder au cinéma, n'oubliez pas de cette période-là, eh bien on va commencer à sortir des choses sur notre plateforme Disney+. La phase 4 d'ailleurs va marquer un tournant majeur, puisqu'on va justement avoir l'arrivée des séries sur Disney+, qui vont permettre d'approfondir certains personnages et introduire de nouveaux concepts liés au multivers. Si vous regardez précédemment, je ne vous parlais pas des séries du MCU, mais maintenant, laissez-moi vous en parler. Première série sur Disney+, en 2021, donc il y a 4 ans. Première série, WandaVision. Cette première série du MCU explorait les conséquences émotionnelles d'Endgame sur Wanda Maximoff. Wanda Maximoff, Scarlet Witch, submergée par le chagrin après la perte de Vision, va créer involontairement une réalité de sitcom idyllique dans la petite ville de Westview pour échapper à sa douleur. Alors qu'elle tente de vivre une vie de famille parfaite avec Vision et leurs enfants, des éléments étranges vont s'infiltrer dans ce monde qu'elle a créé. Wanda y découvre et embrasse pleinement son identité et ses pouvoirs latents de Scarlet Witch, une sorcière aux capacités immenses et dangereuses. C'est dans cette série que l'on voit que Scarlet Witch est une sorcière puissante, très puissante. Cette série a été beaucoup appréciée, même énormément, et certains diront même que c'est la meilleure des séries qui ait pu sortir Marvel sur Disney+. Même année, quelques mois plus tard, est sortie la série, en 2021 du coup, Falcon et le Soldat de l'Hiver. Donc on se retrouve ici 6 mois après Endgame. Sam Wilson, alias le Faucon, et Bucky Barnes, le Soldat de l'Hiver, se retrouvent confrontés à l'héritage de leur ami. Lourd héritage, qui est celui de Captain America, et au bouclier que Steve Rogers a confié à Sam. Ils font face à un groupe de super soldats anarchistes, et la complexité vient, en plus de combattre des super-héros, la complexité vient du fait que Sam Wilson se demande s'il est vraiment l'héritier de Captain America. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais bon, je pense que la plupart l'ont vu, le bouclier a été laissé à une autre personne qui a été vue comme le cap qui symbolisait l'Amérique, Captain America. Et au final, Sam, à la fin de la série, finit par accepter le bouclier et devient le nouveau Captain America, honorant ainsi la promesse faite à Steve Rogers dans Avengers Endgame. Toujours la même année, une superbe série Loki. C'est une version alternative de Loki, si vous vous souvenez, c'est celle qui va échapper en 2012 durant Endgame grâce au Tesseract, à Thanos. Donc il est arrêté par le TVA, le fameux tribunal. Je sais plus c'est quoi, vous voyez. Time Variance Authority. Ça c'est sûr en anglais, mais en français je ne sais plus. Je regarde en VO, c'est pour ça que c'est pas facile pour moi de le dire en français. Bref, c'est une organisation assez bureaucratique qui va protéger une sorte de chronologie sacrée en éliminant, je dirais pas en éliminant, mais en isolant les variants qui vont justement mettre à mal cette chronologie sacrée. Et là, Loki est contraint de coopérer avec l'agent Mobius pour traquer une autre variante de lui-même. Cette série va ouvrir pour la première fois les portes du multivers et introduit celui qu'ils appellent « Celui qui demeure », qui est une variante du futur grand méchant qui est Kang. Et cette série va aussi expliquer l'origine de la chronologie unique et les dangers des réalités alternatives, et notamment si ces réalités vont s'entrechoquer. Ouais, je crois qu'on peut le dire. 2021, un film qui fait pas non plus l'unanimité, Black Widow. Donc c'est un film à solo, posthume pour Natasha Romanoff. On n'a pas l'habitude de voir Natasha Romanoff seule. D'habitude, elle est toujours entourée de Hawkeye, de Iron Man, ou des agents du SHIELD, hein, comme Nick Fury. Donc un film pas évident à aller voir, c'est vrai. Donc c'est un film qui va se dérouler entre Civil War et Infinity War, où Natasha va retourner sur ses traces et retrouver sa famille, notamment Yelena Belova, sa sœur adoptive et ses parents, Alexei, donc, qui est le Red Guardian. Donc ils affrontent la Chambre Rouge, voilà, c'est ceux qui les... La Chambre Rouge, c'est ceux qui l'ont... Enfin, les membres de la Chambre Rouge. Bon, on va dire ça comme ça, on va essayer de faire ça de manière pédagogique. La Chambre Rouge, en fait, qui les a entraînés, et elle cherche, à mon souvenir, ce film-là m'a tellement pas marqué, en tout cas, à mon souvenir, elle cherchait à libérer les Black Widow qui sont sous le contrôle de la Chambre Rouge. 2021 toujours, donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, on va dire, œuvres cinématographiques qui sortent dans le cadre du MCU, 5 en 1 an, là où pour certaines phases, il en fallait moins, comme la phase 1 par exemple. Non, allez. Ouais, moins en. Je vois sur la phase 1, je suis sur. Entre 2008 et 2012, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 films. Donc, entre 2008 et 2012, on a eu 6 films. Là, en un an, vous avez 5 œuvres cinématographiques. Là, on sent que Marvel va pousser la chose, mais on va aller bien au-delà de 5, je vous le dis. Sort la série sur Disney+, What If. Donc What If, c'est une série animée qui va explorer les réalités alternatives en se demandant « Et si ?» Les événements clés du MCU s'étaient passés autrement. C'est raconté par le gardien Watu. Bon, j'avais fait un jeu de mots, si vous avez suivi mes podcasts, sur le fait que Watu, il voit tout. Voilà. Donc la série, en fait, va imaginer des scénarios genre... Captain America, c'est pas Steve Rogers, mais c'est Peggy Carter, qui devient d'ailleurs Captain Carter. Pour ceux qui le savent, Captain Carter, je t'aime. Voilà, c'est dit. T'Challa, qui devient Star-Lord. Les Avengers, qui sont transformés en zombies. Bon, bref, on a cette série qui est plutôt sympa. Voilà, moi j'ai bien aimé. Alors, regardez cette série-là. On est dans le multivers. Là, on voit bien qu'on est dedans. On commence à comprendre comment cela fonctionne. 2021. Je me rappelle, c'est en septembre 2021, mon souvenir. Super film. Moi, je l'adorais. J'aime bien les films de Kung Fu, d'ailleurs. Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Donc, on découvre Shang-Chi, un maître en arts martiaux, élevé, entraîné par son père, voilà, le puissant Wenhu, chef d'une organisation terroriste millénaire qui est appelée les 10 anneaux d'ailleurs. Voilà, qu'on a pu voir dans Iron Man 3, celui avec Futabek, celui avec le mandarin. On a Shang-Chi qui va fuir son passé, mais il va être contraint au bout d'un moment d'affronter son père et il va acquérir le pouvoir des mystérieux 10 anneaux, voilà, qui vont lui donner une certaine force. C'est une introduction assez culturelle forte. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup apprécié. Visuellement, j'ai trouvé ça impressionnant. Ça m'a rappelé les vieux films de Kung Fu avec Bruce Lee. Et on n'a pas le multivers qui est intégré, mais on commence à avoir quand même de la magie ancestrale qui commence à être intégrée dans le MCU. Les Éternels, toujours en 2021. L'idée ici, par le MCU, c'est d'intégrer les races d'êtres immortels que sont les Éternels, qui sont envoyés sur Terre il y a plusieurs années par les Célestes pour protéger l'humanité des déviants. Voilà. Après Endgame, l'émergence de milliards de vies sur Terre va provoquer une émergence imminente, et on va voir le retour d'un Céleste gigantesque. Les Éternels vont être dispersés sur la planète Terre, divisés, et ils vont devoir se réunir pour affronter non seulement les déviants qui restaient sur la Terre, mais aussi ils vont devoir affronter leur créateur. Donc ce film va explorer quand même les origines de la vie et de l'univers de manière épique, assez philosophique. Ce film là aussi a fait débat, moi j'ai trouvé assez épique et plutôt pas mal. J'ai passé un bon moment à le voir, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il a apporté quand même les prémices des origines de la vie sur Terre, mais que au fur et à mesure du temps, le MCU, ils ne se sont pas dit pourquoi pas continuer à expliquer aux fans les origines de la vie sur Terre et notamment en quoi les Éternels sont des super-héros, des êtres immortels importants pour le MCU. On a une sorte de film qui se termine en se disant, bon, on va voir plus tard quel est leur intérêt dans le MCU, sans réellement nous expliquer à quel moment ils vont le faire. Bref, Hawkeye, série sur Disney+, 2021, très bonne série. On retrouve Clint Barton, l'archer, qui tente de passer un Noël tranquille avec sa famille à New York. Cependant, il est contraint de faire face aux répercussions de son passé de Ronin, puisqu'il rencontre pour la première fois la jeune et talentueuse archère Kate Bishop, qui se retrouve d'ailleurs mêlée à des affaires criminelles, et Clint va entraîner Kate. Faut savoir que Kate, lorsqu'on a dans cette série-là, on voit ses origines, elle admire énormément Hawkeye, et elle va affronter une mafia, et elle va devoir aussi gérer certaines tensions, puisqu'on va retrouver Yelena Belova. Et Yelena Belova, ça, il faut savoir, c'est qu'elle retient Clint Barton comme la responsable de la mort de Natasha. Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Voilà. Super série, je vous la conseille. 2021 toujours, Spider-Man No Way Home. On va avoir un événement sismique, un moment historique pour le MCU. Donc l'identité de Peter Parker est révélée. Et sa vie a complètement basculé. Donc on est sur la suite directe du premier Spider-Man. Et accablé par les conséquences pour ses proches, il demande l'aide de Doctor Strange pour lancer un sort qui ferait oublier son identité. Cependant, si vous vous souvenez, il va avoir une erreur dans le sort. Ça va ouvrir accidentellement les portes du multivers. Ça va ramener d'anciens vilains de Spider-Man dans d'autres univers et d'autres Spider-Man. Et Peter va devoir faire face à ces nouvelles menaces avec l'aide inattendue de d'autres versions de lui-même venu d'autres univers, notamment le Spider-Man qui est joué par Tommy Maguire et le Spider-Man qui est joué par Andrew Garfield. Bon bref, ce film-là, alors c'est que du fan service, mais moi je prends. Voilà, je prends puisque c'est un film qui m'a fait vibrer et je me souviens encore des cris qu'il y a eu dans la salle lorsque les trois Spider-Man se sont retrouvés intégrés dans le MCU, notamment. Ce moment où les amis de Peter Parker vont faire apparaître Andrew Garfield et Tommy Maguire. Bref, et honnêtement, j'adore le Spider-Man de Andrew Garfield, j'adore le Spider-Man de Tommy Maguire, et les retrouver tous les deux, eh ben ça fait plaisir. Voilà. Bref, ce film est un événement, il a fait vibrer beaucoup de fans, mais il y a eu des conséquences profondes pour Spider-Man et l'ensemble du MCU. Voilà, en 2021 quand même, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 œuvres cinématographiques, c'est énorme. Voilà. Mais période Covid, hein, les amis, à mon souvenir, ou post-Covid, ils voulaient sortir pas mal de séries, et à mon souvenir, Kevin Feige voulait sauter sur, on va dire, la vibe des super-héros après Avengers Endgame. 2022, première série 2022, c'est Moon Knight. C'est une série assez psychologique, mystérieuse. Je vous avouerai, il y a peu d'action. Non. Il y a de l'action, mais pas trop. Mais vraiment, j'ai pas à mon souvenir, au niveau de l'action, ça ne m'a pas marqué. Ça m'a plus marqué sur l'égyptologie. Ouais, parce que je suis un grand fan de mythologie et donc d'égyptologie. Et c'est aussi pour ça que j'ai regardé cette série. Donc on a Steven Grant, qui est un employé de musée, tout gentil, voilà, qui souffre de troubles du sommeil. Et en fait, il découvre qu'il partage son corps avec un mercenaire assez aguerri qui est Mark Spector. Et Steven Grant réalise qu'il est en fait l'avatar d'un dieu égyptien, celui de la lune, Ronchou. Voilà, c'est celui avec une tête de, bon, j'allais dire de corbeau, mais en fait c'est un, on va dire une tête de squelette de corbeau. On va dire ça, allez, c'est accepté. Et ensemble, ils doivent naviguer entre leurs identités multiples et affronter le fanatique Arthur Haro, qui cherche à libérer une ancienne divinité égyptienne maléfique. Là, je vous avouerai, dans cette série-là, je vois pas en quoi ça serait la continuité de l'œuvre de l'UMCU. J'avais pas cette impression-là. En tout cas. 2022, très bon film, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par une personne qui a déjà réalisé des films de super-héros, notamment les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire, Sam Raimi. Doctor Strange plonge tête première dans les dangers du multivers suite aux événements de No Way Home et WandaVision. Il doit protéger la jeune America Chavez, une adolescente qui est capable de voyager entre les réalités et qui est poursuivie par Wanda Maximoff, notre fameuse Scarlet Witch, qui est corrompue par les pouvoirs du fameux livre du Darkhold, et elle cherche désespérément à retrouver ses enfants dans une autre réalité. C'est un film qui a été visuellement audacieux, un film qui est aussi horrifique. On traverse plusieurs dimensions. J'ai trouvé quand même, c'était un bon film, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup trop de facilité scénaristique. Mais aussi, j'avais trouvé que ce film-là, il y avait quand même des moments où des longueurs, des moments c'était extrêmement long et en fait qui n'apportait rien au film. Voilà. 2022 toujours, on a Miss Marvel, donc une série assez fraîche, colorée, pleine d'énergie. Ma fille l'a vue, elle a adoré. Voilà. J'avais l'impression que j'étais pas forcément le public. J'avais l'impression que le public de Miss Marvel c'était plutôt un public adolescent qui était recherché. L'histoire est la suivante, on a Kamala Khan qui est une adolescente pakistano-américaine de la ville de Jersey City. Elle c'est une fan inconditionnelle de Captain Marvel, mais c'est aussi une dessinatrice talentueuse. Elle a enfilé un mystérieux bracelet qui a été hérité de sa grand-mère et elle découvre qu'elle a des pouvoirs, notamment la possibilité de projeter de l'énergie lumineuse, on va dire ça, voilà. Et elle doit alors apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités, gérer sa vie de lycéenne, un peu comme Peter Parker au final. Voilà. Elle doit faire face à un groupe de personnes qui souhaitent sa capture, et elle doit aussi explorer son héritage familial et culturel. Toujours en 2022, sortie de Thor, Love and Thunder. Alors là, honnêtement, je n'ai pas aimé de ce qu'ils ont fait de Thor. Dès qu'il y avait un Thor, depuis Thor le deuxième, le troisième, je me suis dit, où on va ? Je n'aime pas le nouveau Thor, mais bon, bref. Thor Love and Thunder. Certains diront que c'est un chef-d'œuvre. J'ai déjà entendu parler de ça. Voilà. Thor, donc après avoir retrouvé sa forme physique, tente de... Parce qu'en fait, si vous vous souvenez, il était assez gros. Voilà. Il tente de trouver la paix intérieure, mais il est rattrapé par une nouvelle menace qui est Gorr, le boucher des dieux. Un être vengeur qui cherche à exterminer en fait toutes les divinités de l'univers. Donc Thor doit faire équipe avec... Valkyrie, avec Korg et son ex-girl's friend qui est Jane Foster, qui est devenue Mighty Thor. Et c'est elle qui a entre ses mains Mjolnir. Et ensemble, ils vont devoir arrêter Gorr avant qu'il n'atteigne l'éternité. bref, pour dire. Et à la fin, j'ai oublié de dire, c'est qu'à la fin de ce film, Thor a une fille. Voilà, qui est c'est la fille de Gore, donc une fille adoptive. Bref, pour dire que ce film-là, je n'arrive pas à voir l'intérêt encore de cette série dans le MCU. Voilà, je préfère le dire, je vois pas. J'ai plus l'impression qu'il faut sortir un film de Thor, donc on sort Thor. C'est un peu comme Moon Knight. Je vois pas les Éternels aussi. On le sort, mais je vois pas l'intérêt de le sortir. Voilà. Mais apparemment, il y en avait un. Ensuite, sortie de la série She-Hulk, avocate. Bon. Certains diront, encore une fois, c'est une série de. Pour être poli, qui n'est pas bien. J'ai bien aimé cette série-là. Donc on a Jennifer Walters, qui est une avocate spécialisée dans les affaires juridiques super-humaines, donc qui va se transformer en géante verte qui va être She-Hulk, puisqu'en fait elle a été exposée accidentellement au sang de son cousin, donc Bruce Banner. Donc là c'est le retour quand même de Hulk, et la série va adopter un ton assez comique. C'est la première série Marvel où on va briser le quatrième mur, et enfin non, c'est pas la première, il y avait Deadpool avant, mais dans le cadre du MCU, c'est la première qui va briser le quatrième mur, et ça va explorer les défis d'être une super-héroïne dans la vie de tous les jours, savoir gérer sa carrière, savoir gérer les attentes du public, savoir gérer aussi l'opinion du public. Voilà, on a cette idée où, ce thème, où on est au-delà de la responsabilité, on est dans le cadre aussi de la perception qu'a le public de votre qualité de super-héros ou pas. Alors c'est une série, elle peut être vue de deux manières, soit comme tout à l'heure, comme j'ai dit, une série inutile au MCU, on l'intègre mais sans expliquer concrètement ce qu'on attend de cette série dans le cadre du MCU et de la saga du multivers. Bon, on a quand même l'apparition de Daredevil, quand même, c'est pas n'importe qui, hein, puisque dans les comics, Daredevil est très vite un Avengers, même s'il aime bien la jouer solo. Mais on a aussi le retour de l'abomination qu'on n'avait pas vu depuis l'incroyable Hulk. Voilà. Qui est joué par l'acteur Tim Roth. Tim Roth. Toujours en 2022, on a la sortie de Black Panther Wakanda Forever. Film qui peut donner beaucoup d'émotions puisque l'acteur Chadwick Boseman est décédé. Et ce film a été rendu en hommage à cet acteur. Donc on a le Wakanda qui pleure la mort de son roi T'Challa. Et face à l'absence de Black Panther, le Wakanda doit défendre ses précieuses ressources de vibranium contre les nouvelles puissances mondiales et surtout contre une nouvelle civilisation sous-marine dirigée par Namor. Voilà. Shuri va devoir relever, donc la sœur de T'Challa va devoir relever le défi de l'héritage. Donc, future reine, protéger son peuple, et ce film explore le deuil, la résilience et l'importance de l'héritage familial. On a aussi dans ce film-là l'introduction de Riri Williams, donc Ironheart, qui est une jeune génie de la technologie, qui prépare son propre avenir, et d'ailleurs une série Ironheart sortira plus tard. Toujours en 2022, retour de nos amis les Gardiens de la Galaxie, c'est la dernière œuvre cinématographique de la phase 4. Donc c'est les Gardiens de la Galaxie, Joyeuse Fête, donc c'est un téléfilm qui a été fait spécialement sur Disney+, en 2022, période de Noël, voilà. Donc c'était une sorte d'interlude festif, assez hilarant, pour remonter le moral de Peter Quill, qui déprime, donc après la perte de Gamora, qui a mis fin à ses jours dans Avengers Endgame, eh bien Drax... Endgame ou Infinity War, je crois que c'est Infinity War, j'ai une bêtise, et bien Drax et Mantis s'embarquent dans une mission assez loufoque sur Terre qui est de kidnapper Kevin Bacon, l'acteur, voilà, et de l'amener sur Nowhere pour célébrer Noël, parce qu'en fait, Peter Quill est fan de Footloose, et le film Footloose, très bon film, tout en passant, et dans Footloose, il y a Kevin Bacon qui joue dedans, voilà. Et ce film a quand même apporté une certaine touche de légèreté avant la conclusion de la trilogie des Gardiens qui va arriver plus tard. Franchement, allez le voir, il dure 45-50 minutes. Si ça fait plaisir de revoir les Gardiens de la Galaxie dans, dans un moment aussi festif et léger. Fin de la phase 4. Phase 5, c'est celle des enjeux qui deviennent plus personnels, où des équipes vont commencer à se former ou se reformer. On a une menace de Kang le conquérant qui prend toute son ampleur, qui s'établit d'ailleurs comme le prochain méchant du MCU, même si on sait que quand le conquérant, le MCU y a mis fin et que est apparu dorénavant la menace, je ne sais pas réellement si c'est une menace, mais en tout cas est apparu le fameux Docteur Doom, menace ou pas, on ne sait pas, en tout cas Kevin Feige nous laisse planer le doute. Premier film de la phase 5 de 2023, Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, un film qui n'a pas été du tout publicité. Personnellement, j'ai passé un bon moment à le regarder, mais certains vous diront qu'il est vite à oublier, ce qui n'est pas faux réellement, voilà, mais en tout cas c'est un bon moment, c'était un échec quand même hein, ce film-là. Donc Scott Lang, après être devenu une célébrité après Endgame, se retrouve aspiré avec sa fille Cassie, Hope Van Dyne et Hank Pym, et Janet Van Dyne, donc toute la famille réunie, dans le royaume quantique. Et c'est là qu'il rencontre pour la première fois la menace multiverselle de Kang le Conquérant, donc qui est un variant exilé qui cherche à s'échapper du royaume quantique et à récupérer son pouvoir sur le temps. Le film met en lumière donc les capacités de Kang, sa cruauté, et clairement ce film le positionne comme le nouvel antagoniste majeur du MCU. On l'a déjà vu, Kang le Conquérant, sur la série Loki saison 1, comme celui qui demeure, rappelez-vous. 2023, même année, Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Donc là, clairement, on se retrouve dans un voyage émotionnel, un voyage intense pour les gardiens. On les retrouve après les événements d'Infinity War et de Endgame, où l'équipe tente de s'installer sur Nowhere, mais leur paix est brisée par une attaque qui blesse grièvement Rocket Raccoon. Les gardiens se lancent alors dans une mission désespérée pour le sauver, qui les mène à affronter le passé douloureux de Rocket et son créateur sadique, le maître de l'évolution. Ce film marque la fin de cette équipe, des Gardiens de la Galaxie, telle que nous la connaissions, avec des départs émotionnels et des évolutions pour chaque membre. En tout cas, c'est la fin d'une équipe, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de leur histoire personnelle. Voilà. 2023 toujours, Secret Invasion. Beaucoup de monde attendait beaucoup de cette série-là, notamment les fans dont je fais partie du comics, hein, Secret Invasion, on attendait beaucoup, en espérant qu'en fait, il y ait non seulement une inspiration du comics, mais en plus qu'une inspiration, complètement une reprise du comics. Et ça aurait été pas mal d'ailleurs. Mais c'était pas le cas. On a eu l'idée, mais on n'a pas eu le. On va dire, on a eu l'idée du comics, mais on n'a pas été dans la copie. C'est dommage parce que le comics pouvait se suffire à lui-même et intégrer facilement le MCU. Bref, pour dire, c'est que Nick Fury est de retour sur Terre, il est confronté à une invasion extraterrestre, hein, même secrète, de Skrull. Donc ces êtres métamorphes qui ont infiltré la planète à tous les niveaux de la société. Ils ont infiltré la planète d'ailleurs les gouvernements, les organisations, bref. Et seul et désabusé, Fury va devoir s'appuyer sur d'anciens alliés comme Maria Hill, Talos aussi, pour démasquer et arrêter cette faction extrémiste de Skrull qui cherche à faire de la Terre leur nouveau foyer. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est l'idée qu'on était plongé dans une ambiance d'espionnage et de paranoïa. L'idée était très bonne, puisqu'on ne savait plus à qui faire confiance dans ce film-là. Mais au final, cette ambiance a été vite gâchée par le scénario, qui était plus que mauvais. Et en plus ils ont créé une super héroïne je pense qu'ils l'ont oublié celle-là, bref, une super héroïne qui serait d'ailleurs la plus puissante de tout le MCU dorénavant. J'ai l'impression qu'ils ont mis une croix à cette super héroïne là, et je l'espère. Voilà, cette série, si vous étiez fan de Nick Fury et de l'acteur qui joue Nick Fury, Samuel Lee Jackson, il n'y a pas de problème, vous pouvez regarder, mais honnêtement cette série, il y avait beaucoup d'attentes et ces attentes ont fait l'objet d'un flop. Heureusement, la même année, Loki saison 2 est arrivé à la rescousse, clairement. Loki saison 2 est un véritable chef-d'œuvre. On se retrouve après la mort de celui qui demeure, donc Kang, du moins un variant de Kang le Conquérant, à la fin de la première saison, et le multivers commence à se déchirer. Loki se retrouve projeté à travers le temps au sein du TVA. Il subit ce qu'on appelle des glissements temporels, et il doit faire toujours équipe avec Mobius, le général Dox, avec un personnage plutôt comique, et il la rend effraie, Obi, voilà, et Sylvie, pour comprendre ce qui se passe et empêcher l'effondrement total des différentes réalités. Là, Loki, il prend un nouveau rôle, assez crucial. On ne voit plus son côté malicieux et malin. On est celui où il se considère comme celui qu'il a voulu toujours être. Celui qui est important. Voilà. Celui qui a une destinée, si je puis dire. Et non seulement ici sa destinée, pour lui, c'est celui d'être le gardien des lignes temporelles, et c'est grâce à lui que le multivers se retrouve stabilisé, et de mieux en mieux, Loki arrive à comprendre la menace que sont les variants de Kang. 2023, un film qui est sorti qui s'appelle The Marvels, qui réunit Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau. Monica Rambeau qui a acquis ses pouvoirs dans la première série WandaVision, et dans les comics d'ailleurs, qui est appelé Captain Marvel. Bref, The Marvels réunit ces trois super-héroïnes qui vont voir leur pouvoir s'entremêler étrangement après qu'un cri assez mystérieux ait trafiqué les jonctions de l'espace-temps. À chaque utilisation de leur pouvoir, les trois héroïnes échangent de place, se téléportant mutuellement, et elles doivent alors faire équipe pour comprendre l'origine de ce phénomène et affronter le méchant qui s'appelle Darben. Darben cherche à piller les ressources de l'univers pour restaurer sa planète qui est mourante. Une nouvelle équipe de super-héroïnes est née. La scène post-générique est très importante, puisqu'elle tease l'introduction de nouveaux personnages et d'autres univers, notamment celui des X-Men. Et vous n'aurez après plus jamais d'autres scènes post-credit qui vont teaser les X-Men. Nous sommes sur l'année 2024. Est sortie la série Echo, série sur Disney+. Maya Lopez, donc, qui est une combattante sourde au passé trouble, apparue dans Hawkeye. Soit dit en passant, souvenez-vous ce que je vous avais dit, on avait retrouvé Daredevil dans She-Hulk, là on retrouve Daredevil dans cette série Echo. Bref, pour dire, c'est qu'elle retourne en Oklahoma, elle doit affronter les démons de son héritage familial, et les conséquences de ses actions passées. Elle est d'ailleurs traquée par Wilson Fisk, le Caïd. Le Caïd que vous retrouvez d'ailleurs dans les premières séries Netflix de Daredevil. Donc cette série est plus sombre, elle est assez ancrée dans le réalisme, et elle marque le lancement de ce que appelait Marvel, l'initiative Marvel Spotlight, puisqu'en fait, bizarrement, ils ont changé le logo, et le logo, à mon souvenir, c'était écrit Marvel Spotlight, voilà. Et cette initiative, Marvel Spotlight, avait pour objet pour Kevin Feige de permettre aux fans de voir des séries avec des histoires plus matures et autonomes. Voilà. Toujours la même année, une série qui avait été beaucoup attendue, d'ailleurs c'est le seul film Marvel qui est sorti l'année dernière, c'était un événement d'ailleurs, Deadpool et Wolverine. Voilà. Donc Deadpool, ce fameux mercenaire complètement déjanté qui brisait le quatrième mur, n'était pas chez Marvel, il était chez la Fox d'ailleurs, et Disney a racheté la Fox, donc du coup, ça y est, on va pouvoir voir les X-Men et Deadpool. Bref, Deadpool a arraché sa vie paisible, se retrouve arraché, pardon, de sa vie paisible par le TVA pour une mission multiverselle cruciale, lui dit-on. Et il se retrouve contraint de faire équipe avec Wolverine, et il faut ici, du coup, voir le retour de Hugh Jackman. C'est un mélange de Hulk et de Hugh. Le retour de Hugh Jackman en Wolverine, ça fait du bien. Ah, il avait dit pourtant, je ne reprendrai plus le personnage, mais là on peut être content, il l'a repris. On retrouve un Wolverine assez fatigué, désabusé, voilà, qui vient d'un autre univers. Et ces deux icônes-là d'univers différents, mais qui viennent tous les deux des X-Men, font une entrée explosive, hilarante dans le MCU, un duo complémentaire, un duo assez violent, stylisé, un duo où on a l'humour qui accroche, voilà, avec d'ailleurs un humour irrévérencieux, hein, d'ailleurs, que l'on peut attendre. Et là, vous pouvez vous préparer à des implications multiverselles massives. On s'est préparé à des interactions épiques. On se retrouve en plein TVA, en plein multivers. On comprend aussi la nécessité de devoir garder la fameuse chaîne sacrée du multivers, ou chronologie sacrée, pardon, du multivers. Et on voit aussi qu'il y a la possibilité de, d'ailleurs, grâce à une machine, de mettre fin à un univers entier. Voilà. Donc voilà, on est vraiment là dans le multivers, dans ce film-là. Fin 2024, nouvelle série Disney+, la série Agatha All Along, qui avait été d'ailleurs annoncée après WandaVision. La troisième série qui est attendue, qui va être la suite ou le spin-off, si vous voulez. Non, la suite, je dirais. C'est Vision Quest. Je ferai un podcast dessus, ne vous inquiétez pas. Vision Quest qui est attendue. Bref, Agatha All Along, qui est la suite de WandaVision. Et les prémices de la série Vision Quest. Pour dire sort fin 2024 et on retrouve la sorcière Agatha Harkness qu'on avait retrouvée dans WandaVision. Elle revient dans sa propre série. Elle était beaucoup appréciée, hein, Agatha Harkness dans la série WandaVision. Après avoir été piégée dans sa propre sitcom par Wanda Maximoff, Agatha est libérée et cherche à retrouver ses pouvoirs perdus. Et la série promet d'explorer son passé de sorcière. Ses motivations complexes avec une touche de magie noire, de mystère, d'humour assez sinistre, voilà, d'humour noir. On retrouve aussi l'un des enfants de WandaVision. On est, on va dire, dans le mystique, on n'est plus dans le multivers dans cette série. Depuis le début, on est beaucoup dans le multivers et des fois on avait du mystique qui sortait, voilà, avec Doctor Strange, avec Moon Knight. Et bah, du coup, avec WandaVision. Et là, on est encore dans le mystique avec Agatha All Along. D'ailleurs, dans Les Éternels, je crois qu'il y a du mystique aussi. Si je m'avance un petit peu, peut-être, mais je crois qu'il y en a. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. 2021, ça fait 4 ans. 2025, voilà, ça y est. On est stanné, on est posé, on est tranquille. Donc, sort Captain America, Brave New World. Sam Wilson, donc, c'est la suite du Faucon et de Soldat de l'Hiver. Donc, Sam Wilson qui continue son chemin en tant que nouveau Captain America, qui fait face à de nouvelles menaces politiques. On a les retombées quand même d'Hydra et des super soldats. Il doit naviguer dans un monde qui se méfie des personnes dites améliorées. Il doit affronter de nouveaux adversaires. On a le général Ross qui est de retour, parce qu'on ne l'avait pas vu depuis 2008, je crois, dans le film Incroyable Hulk, et je confirme, je viens de regarder sur mes notes, c'est bien 2008. Donc on retrouve le général Ross, qui est désormais président des États-Unis, qui devient le fameux Hulk rouge. Et là, on sent déjà les prémices d'un retour de l'équipe des Avengers, puisque dans la série, c'est assez sous-jacent. On laisse entendre qu'il faut réunir les Avengers. D'ailleurs, je crois que le président des États-Unis lui demande de réunir les Avengers. Et à mon souvenir, il y a une scène post-crédit qui fait part justement de Sam Wilson, qui va essayer de reformer l'équipe. Étant précisé que ce film-là, vous passez un bon moment à le regarder, mais il n'est pas exceptionnel. Captain America est de loin mon personnage préféré. C'est mon super-héros préféré, de toute façon, de loin. Mais avec Daredevil, Doctor Strange. Mais il m'a déçu dans le sens où j'en attendais plus de ce film-là. J'ai passé un bon moment, mais je ne peux pas dire que c'est un excellent film du MCU. D'ailleurs, depuis, on va dire, le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3 et peut-être et sans doute Deadpool et Wolverine, où j'ai passé un très bon moment également, Captain America ne m'a pas touché. Voilà. Enfin, dernier film de la phase 5, Thunderbolts, qui lui m'a plus touché que Captain America Brave New World. Donc on a un groupe d'anti-héros, d'anciens vilains qui se réunissent. Donc Yelena Belova, Bucky Barnes, qui est devenu gentil, hein. Et d'ailleurs, on apprend qu'il est sénateur, à mon souvenir, ou représentant dans un organisme, je ne sais plus, le Taskmaster, le Red Guardian, et US Agent, qui avait dans un temps récupéré le rôle, hein, US Agent de Captain America dans la série Le Faucon et son Soldat de l'Hiver. Et on a la comtesse de Valentina Allegra de Fontaine qu'on retrouve aussi, qu'on l'avait vu en scène post-générique à mon souvenir dans Le Faucon et son Olivier, mais aussi en scène post-générique. Non, on la revoit aussi, pardon, dans la série, dans les derniers épisodes de la série comme en Secret Invasion. On la retrouve. On a des personnages avec des dynamiques et des motivations particulières. On a des enjeux éthiques assez intéressants. C'est le premier retour d'une équipe de super-héros depuis la fin de Avengers Endgame. Vous n'avez pas d'équipe de super-héros. J'ai passé vraiment un bon moment à ce film. Je ne dirais pas que c'est le meilleur. Mais en tout cas, c'est celui qui m'a beaucoup moins déçu. Si ce n'est qu'il a été appréciable. Surtout qui m'a rendu nostalgique parce que ça faisait vraiment bizarre de revoir une équipe de super-héros réunis pour sauver... je dirais, ici, c'est pas l'humanité réellement de ça, mais revoir une équipe de super-héros pour déjouer, on va dire, les manœuvres d'un méchant. Et ça faisait plaisir. Et notamment, de voir Bucky Barnes avec des responsabilités, ça faisait aussi plaisir. Voilà la fin de la phase 5. J'ai pu résumer en 1h et 16 minutes à peu près la phase 1 jusqu'à la phase 5. Et justement, les amis, après avoir parcouru cette incroyable chronologie du MCU, après avoir parcouru ses débuts en 2008, nous sommes aujourd'hui aux portes de la phase 6. Le MCU, c'est pas une suite de films ou de séries isolées, c'est une saga tentaculaire où chaque film est lié au précédent, chaque série est liée à un film. Ou du moins... Certaines séries, on n'a pas cette impression-là qu'elles sont liées à un film, mais en tout cas, un film est sous-jacent. Ça me fait rappeler un peu l'idée de revoir un album de famille à chaque grand événement. Et quand vous regardez un album de famille à chaque grand événement, ça m'aide moi à comprendre d'où je viens, mais aussi ça m'aide à mieux apprécier où je vais. La phase 1 a posé les fondations, l'origine des super-héros, le fonctionnement du Shield, les premières pierres de l'infini. Sans cette compréhension, l'arrivée de Thanos et le concept du Snap n'auraient eu aucun poids émotionnel. Chaque personnage évolue, chaque événement a des conséquences. Pourquoi Captain America a-t-il pu soulever Mjolnir ? Pourquoi Wanda est-elle devenue la Scarlet Witch ? Toutes ces réponses sont ancrées dans les phases précédentes et continuent de résonner dans les phases futures. Les phases 4 et 5, elles, ont plongé tête première dans le concept du multivers. Sans Loki ou Spider-Man No Way Home, l'idée de variants et de réalités alternatives serait abstraite. Comprendre l'origine du TVA, le rôle de celui qui demeure ou la menace des incursions, est essentiel pour saisir les enjeux colossaux des prochaines étapes. Kang le Conquérant était vu comme le nouveau Thanos, notamment avec ses multiples versions dans le multivers qui rendaient la menace encore plus complexe et dangereuse. Rappelez-vous cette fameuse scène post-crédit où on avait l'Assemblée Générale des Kang. On a quand même Disney qui a voulu arrêter de voir cette menace de Kang le Conquérant. On a une nouvelle menace aujourd'hui qui est le Docteur Doom. Je ne suis pas certain honnêtement que ce soit une nouvelle menace. Quand je vois le nom du prochain film Avengers, Doomsday, je ne suis incapable de dire si Doom sera le méchant. Le prochain Avengers encore, c'est Secret War, donc je ne sais pas encore si Dr. Doom sera le méchant, sachant que dans le comics de Secret War, Dr. Doom est celui qui va gouverner, on va dire, l'univers restant de Secret War. Bref, pour dire, c'est que je n'arrive pas à savoir si Kang le Conquérant sera conservé. J'ai cru comprendre, d'après Kevin Feige, qu'il n'est pas mis non plus au placard. Je n'arrive pas à comprendre si le nouvel antagoniste sera Doctor Doom. J'ai pas cette impression-là. Il faut savoir, c'est que dans les comics, Doctor Doom, il n'est pas forcément vilain. En fait, il va là où son intérêt est là. Voilà. Et d'ailleurs, dans les 4 Fantastiques, je crois que c'est le parrain de la deuxième fille de Monsieur Fantastique et de Madame Fantastique. Donc pour vous dire, j'arrive pas à savoir vraiment si ça va être un méchant. La phase 6 verra l'arrivée tant attendue des 4 Fantastiques et potentiellement d'autres figures emblématiques comme les X-Men. Et c'est justement ce contexte qui nous amène à nos attentes pour l'avenir du MCU et plus particulièrement pour la phase 6. Pour beaucoup, et je m'inclus dedans, la phase 4 et 5 ont laissé malheureusement un goût un peu amer, un sentiment de déception après l'immense succès qu'était la saga de l'infini. Les pierres de l'infini. Divers en phase 4, la phase 5 était censée consolider cet élan et nous immerger pleinement dans la saga du multivers. Pour ma part, malheureusement, eh bien, cette promesse n'a pas été tenue. Pourquoi ? On a eu une explosion de contenu entre films et séries. Il était parfois difficile de suivre la cohérence et l'importance de chaque projet. D'ailleurs, la simple demande que vous me faites de faire ce podcast est révélateur. Certaines séries ont semblé déconnectées du fil rouge principal. Certaines séries n'ont même pas eu l'impact narratif espéré par Disney. Ça a dilué l'attention des spectateurs et ça a rendu l'ensemble moins fluide. On a aussi eu des enjeux flous. Si Kang le Conquérant a bien été introduit comme le nouvel antagoniste majeur dans Quantum Mania, mais aussi dans Loki, son développement a été chaotique. Bon, après le contexte avec Jonathan Majors et avec ses ennuis de la justice, eh bien, ça n'a pas aidé non plus pour Disney. L'impression générale est que la menace n'a pas été aussi palpable ou terrifiante que celle de Thanos. Je veux dire, Thanos, c'était terrifiant. Kang le Conquérant, s'il était terrifiant, ils s'y ont très mal pris. Et si Doctor Doom est censé être terrifiant, ils s'y prennent mal aussi aujourd'hui. Voilà. Thanos, c'était une personne, un vilain, qui était omniprésent dans les films. Et en plus, son aura était grandissant. Chaque apparition de Thanos donnait aux spectateurs l'idée qu'une menace était présente de manière constante pour la Terre, mais aussi pour l'univers. On avait toujours un sentiment qu'il fallait que les Avengers interviennent dans l'urgence, etc. Là, on n'est pas sur ce même format. Voilà. On a aussi la difficulté qui était la suivante, c'est que certains films et séries de la phase 5 ont souffert de critiques mitigées et étaient de qualité inégale. Nous avions de très bons films dans la phase 5, je pense notamment... faut dire ce qu'il y a au Gardien de la Galaxie volume 3, qui était un très bon film. On a eu de très bonnes séries, Loki saison 2. On a eu un bon film qui est Deadpool et Wolverine aussi. Une bonne série qui était Agatha All Along, mais on avait quand même ce qu'on appelle une qualité inégale. Et cette qualité inégale, eh bien, on a senti un manque d'orientation claire, comme si le cap... pour le MCU, n'était pas encore pleinement défini pour les héros, et encore moins les objectifs. Surtout après l'ère des Avengers originaux. On n'arrivait pas à savoir là où le MCU voulait nous emmener. Malgré ces réserves, l'annonce de la phase 6 et les titres qui la composent ravivent l'enthousiasme quand même et promettent un retour en force. Pourquoi cet optimisme ? Nous avons des titres moteurs et impactants et des personnages très charismatiques qui vont arriver. La phase 6, elle, ne s'ouvre pas avec des projets mineurs. On parle directement de l'arrivée des 4 Fantastiques, la première famille de Marvel. Je dirais même, et je l'ai déjà dit dans mon podcast sur les 4 Fantastiques, c'est le premier groupe de super-héros. Des personnages fondamentaux, dont l'intégration est attendue depuis des décennies, après l'échec du précédent film. Et surtout, elle culmine avec non pas un, mais deux films Avengers. Avengers Doomsday et Avengers Secret War. Donc c'est une promesse claire d'événements majeurs, de rassemblement de héros d'une ampleur colossale et d'une intensité inégalée. Ça rappelle quand même le chemin des films Avengers Infinity War et Avengers Endgame. De super-héros rassemblés. Et je ne vous cache pas que parmi les nombreuses rumeurs qui circulent autour de la phase 6, Il y en a une qui est persistante et qui me plaît. C'est celle qui concerne le rôle central que pourrait occuper Reed Richards, alias Monsieur Fantastique, donc qui est incarné par super acteur qui est Pedro Pascal. Il serait le chef des Avengers. Donc. Et cette hypothèse n'a rien d'anodin, puisqu'historiquement, dans les comics, Reed Richards a souvent été le cerveau stratégique des grandes alliances entre les Avengers et les quatre Fantastiques. N'oubliez pas qu'il a une intelligence hors norme et qu'il a, il a la capacité à envisager des solutions là où d'autres voient des impasses. Honnêtement, l'idée de confier le leadership des Avengers à Monsieur Fantastique pourrait s'avérer être un choix inspiré pour plusieurs raisons. D'abord, ses talents scientifiques et d'innovation qui sont essentiels pour contrer des menaces multiverselles. Il connaît le multivers. Là où la puissance brute ne suffit plus, on va dire, c'est pas parce que vous avez 3-4 gars qui savent battre que ça suffit. Ensuite, Reed Richards, ça suffit pour mettre fin au multivers, je précise. Ensuite, Reed Richards est aussi c'est un rassembleur, il est habitué à gérer des personnalités très puissantes et divergentes. C'est aussi un personnage précieux, puisqu'en fait, c'est celui qui va pouvoir accueillir les X-Men, il est vu comme celui qui est au mieux pour pouvoir les recevoir dans son univers. Il a aussi l'expertise de la gestion de crise. Pour ceux qui ont vu ce superbe film, je le dis, j'ai adoré. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fini et j'ai donné mon avis sur Instagram sur le film Les 4 Fantastiques, premier pas. Eh bien, il sait gérer les crises, et notamment d'ampleur cosmique, et il a une vision toujours à long terme des solutions. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut des fois manquer aux Avengers, puisque quand on regarde les anciens films Avengers, on a plutôt des Avengers qui cherchent une solution à court terme. On n'a pas des Avengers qui cherchent des solutions à long terme, là où Reed Richards, lui, il est percutant de cette manière. Donc si cette rumeur s'avère fondée, voir Monsieur Fantastique prendre les commandes de la plus grande équipe de héros du MCU serait non seulement logique au vu de ses compétences, mais honnêtement, ça offrirait une dynamique nouvelle qui serait placée sous le signe de l'intellect, de la collaboration, de l'innovation. Ça serait carrément la promesse d'un renouveau passionnant. En gros, l'idée, ça va balayer les anciens pour faire accueillir les nouveaux et pourquoi pas les anciens adouber Monsieur Fantastique comme leur remplaçant. Voilà. En conclusion, cet épisode était pour moi l'occasion de vous rappeler les phases 1 à 5 du MCU comme un sorte de guide essentiel pour naviguer dans la complexité croissante que le MCU, mais d'après ce que j'ai compris, ils vont arrêter cette idée de complexifier le MCU, de partir dans tous les sens, entre guillemets. L'idée, c'est de revenir sur une ligne directrice avec des films et des séries cohérentes qui suivent la droite ligne du MCU. Pour moi, la phase 6, vous avez bien compris, c'est l'occasion pour le MCU de retrouver sa grandeur et de prouver qu'il a encore de très grandes histoires à raconter après une phase 4 et 5 qui, malgré ses efforts, n'a pas convaincu l'ensemble des fans. Alors, si vous êtes prêt à aborder la phase 6 avec une compréhension renouvelée et un espoir renouvelé pour cet univers, eh bien, je vous invite à aller voir le premier film de la phase 6 qui est Les 4 Fantastiques, premier pas. Ce film qui est, je l'assume et je le dis, c'est pas failloté ni rien, c'est mon avis, et puis si vous avez un autre avis, eh bien, j'en serais très heureux. Les avis, vous en avez c'est comme les films, vous en avez pour tous les coups. Eh bien, ce film qui se déroule sur la Terre 828, une version alternative du monde que nous connaissons, qui est la Terre 616. Ce monde est baigné dans une esthétique inspirée des années 60. C'est un choix visuel qui donne une vraie personnalité à l'œuvre, avec des décors soignés et une ambiance qui vous rappelle, je le dis, à la fois le film Les Indestructibles Pixar, voilà, que 2001, L'Odyssée de l'Espace. D'ailleurs, je vous invite à voir ce film 2001, L'Odyssée de l'Espace. On n'en fait plus des films comme ce film-là. On a dans ce film une dynamique familiale qui est touchante. On a un casting solide. On a une ambiance sonore immersive et surtout, j'ai retenu le fait que c'était un hommage vibrant à l'âge d'or du comics. Dès les premières scènes de ce film-là, on a l'impression de plonger dans les pages d'un comic book vivant, je vous l'assure. avec des transitions stylisées, des palettes de couleurs merveilleuses, un rythme narratif et même une mise en scène qui évoque une mise en page typique des comics des années 60. Alors, ce n'est pas un film Marvel comme les autres. Il prend le temps de poser ses enjeux, il prend le temps de poser ses personnages. Il s'éloigne des codes habituels du MCU pour proposer une aventure plus intime, originale et même familiale. J'espère que cette phase 6 va nous impressionner, que nous allons l'apprécier. Il faut d'ailleurs souligner qu'apparemment, Kevin Feige lui-même a pris conscience que le suivi des différentes phases devenait de plus en plus complexe pour le public. Les dernières annonces qu'il a faites semblent indiquer une volonté de rendre le tout plus accessible, en clarifiant la structure narrative et en proposant des repères plus nets pour que chaque membre du public puisse s'y retrouver plus facilement. Cette prise de conscience, quand même, témoigne d'une écoute réelle des attentes des fans, et tout porte à croire que les prochaines étapes du MCU seront pensées pour offrir à la fois du spectaculaire, une lecture plus limpide de l'ensemble, mais surtout, Kevin, surtout, privilégier la qualité plutôt qu'à la quantité. Car si on reprend mon podcast depuis le début, en une année, le Marvel est capable de sortir plus d'une dizaine d'œuvres d'art, là où il a fallu plus de 4 ans pour certaines phases, notamment les phases 1 à 3. Merci de votre écoute, les amis. Je remercie tout le monde pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est incroyable, je ne savais pas. Surtout en 2025, je crois que je bats tous les records en matière d'écoute. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour vos retours concernant les petits livres audio que je crée. Le prochain, je vous l'annonce, c'est sur Vision. Voilà, sur l'avenir de Vision, sur les origines, sur le Vision Blanc, précisément, voilà. Je vous remercie pour cette demande aussi. J'espère que j'ai mis 4 soirs à préparer le scénario de ce podcast. Je pense que j'ai réussi le défi à vous expliquer les phases 1 à 6, à 5 et un peu 6 concernant le MCU. Pour ceux qui connaissent le MCU par cœur, je pense que mon podcast, cet épisode, vous a fait un peu rafraîchir votre mémoire. En tout cas, moi, juste le fait de l'enregistrer me donne envie de revoir certains films. Je pense notamment à me refaire la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Voilà. Merci encore à tous pour votre écoute. Merci pour vos téléchargements aussi. Merci beaucoup pour vos retours. Allez, ciao, bye.